juste avant de partir en paix. Non, je vais pas venir dans ce soir. Laisse-moi me convaincre que je vais changer le monde avant de changer de monde, avant de partir. J'ai perdu des frères, j'ai perdu des sœurs. Je trouve plus leurs photos, je parle à leurs fantômes. J'ai perdu du poids, j'ai perdu de la sueur. Je vais me refaire un bout de cœur avec un bout de côte en matant le ciel comme si je parlais à l'autre. Ou si je parlais à l'aube, on est devenus des hommes en clopant sur un banc en attendant l'aurore. Génération divorce, pâte au beurre, éco plus. Bambi meurt aussi, noche pendant que papa est au pute. Faute de savoir quitter, tu graves ton prénom en gros sur l'arrêt de bus. Tête dans le guidon, marche arrière, Nurofen écrasé sur plein de carrière. Y'a plus de barrière, mets ta tête dans le sillon et trace ta mère. Ils sont devenus des hommes, des bonbons sur un banc pensant que c'était l'oracle. Ils ont bu tout l'orage, ils font plus trop leur âge, va leur faire la morale. Doute, bénéfice, dette. J'aurais sûrement pas de retraite, je cotise pas, je remplis des disques durs. Je colore des regards, j'annule mes regrets, je me lève plus en retard, je réveille mon reflet. Il fredonne des refrains. J'emmènerai rendre visite à ma mère, parcourir les terres qui m'ont forgé, visiter les briques rouges et les fermes. Faut que tu croises le regard de mon grand-père, que tu goûtes la recette de ma famille. Tu discutes 5 minutes dans la cheminée, ah, habibi, habibi, habibi. Si je casse ma pipe, tu iras voir les autres, je compte sur toi. Pas pour me remplacer, ni pour expliquer mes choix. Fini mes bouteilles, chante mes souvenirs et ma voix. On a fait des caméras avec les boules qu'on avait dans le foin. Doute, bénéfice, dette. On pourra compter la distance. J'ai des rêves, mais si tu m'enterres, je te demande de vanter l'existant. Je colore des regards, j'annule mes regrets. Je me lève plus en retard, je réveille mon reflet. Je chante mes frères, on fredonne des refrains.